Nous allons voir à présent que le mot « c'est » peut aussi changer tout le sens d'un verbe. Par exemple, en espagnol, « ir » signifie « aller ». Mais le sens de « irse » est « s'en aller », « partir ». Donc, comment diriez-vous « je ne veux pas m'en aller, j'aime être ici ». No quiero irme, me gusta estar aquí. No quiero irme. Me gusta estar aquí. Être ici me plaît. Notez bien que irse veut dire partir, s'en aller. Voici un autre exemple. En espagnol, dormir se dit dormir. D-O-R-M-I-R. Et s'endormir, dormirse. Dites-moi alors. Il est tard, mais je ne peux pas m'endormir. Es tarde, pero no puedo dormirme. Es tarde, pero no puedo dormirme. Voici une autre particularité. Rire se dit reír. R-E, I accent aigu, R. Mais reírse signifie se moquer. Le mot se change ici tout le sens du verbe. Il faut donc faire attention à ce que l'on dit parfois. Donc, si « il se moque de » se dit « se rie de »,« rie » que l'on écrit « r-i accent aigu e », comment diriez-vous « il se moque toujours d'elle » ?« Se rie siempre de ella ».« Se rie siempre de ella ». Ou, vous auriez pu dire aussi « siempre se rie de ella ». Les deux sont possibles. Dans le même ordre d'idées, « hacer » signifie « faire », mais « hacerse » devenir. Une fois encore, le petit « se » change tout le sens du verbe. Et ici, la forme du verbe est différente dans les deux langues. « Devenir » se dit « hacerse ». Imaginez que vous êtes Carmen et dites en utilisant « famosa » F-A-M-O-S-A pour « célèbre », pensez à « fameux » en français. Dites s'il vous plaît, « je veux devenir riche et célèbre ». Quiero hacerme rica y famosa. Vous direz « quiero hacerme rica y famosa » si vous êtes une femme et « quiero hacerme rico y famoso » si vous êtes un homme. Voyons de nouveau un verbe qui fonctionne de la même façon en français et en espagnol. Par exemple, se plaindre de se dira quejarse de et s'écrit Q-U-E-J-A-R-S-E, plus loin, D-E. Donc, comment direz-vous? Il se plaignait de tout. Se quejaba de todo. Se quejaba de todo. Vous aussi, vous pouvez vous plaindre. Car les formes des verbes ne sont pas toujours équivalentes dans les deux langues, comme vous avez pu vous en apercevoir tout à l'heure avec « hacerse »,« devenir ». Certains verbes utilisent « se » en espagnol, mais pas en français, et vice-versa. Par exemple, « rester » se dit « quedarse », Q-U-E-D-A-R-S-E. Dites alors « je reste ici ». Me quedo aquí. Me quedo aquí. Vous savez que olvidar signifie oublier et qu'il peut aussi s'utiliser sous la forme olvidarse, comme nous l'avons vu auparavant dans se olvidan. Ils oublient. S'il vient un autre mot après olvidarse, que ce soit un nom ou un verbe, il faudra utiliser de. Par exemple, se olvidan de las cosas facilmente. Ils oublient les choses facilement. En revanche, olvidar, utilisé seul, n'est jamais suivi de de. Les deux constructions, olvidar et olvidarse, ont exactement le même sens. Vous pouvez donc employer celle qui vous semble la plus facile. Comment diriez-vous avec la construction olvidarse de, j'ai oublié d'acheter le pain. Me olvidé de comprar el pan. Me olvidé de comprar el pan. Vous auriez pu aussi dire olvidé comprar el pan. Si on avait utilisé un nom après oublié, on aurait pu dire olvidé el pan. Ou me olvidé del pan, hein, pour j'ai oublié le pain. Revenons à un exemple plus simple. Comment diriez-vous maintenant « Je peux m'exprimer très bien en espagnol. » Puedo expresarme muy bien en español. Puedo expresarme muy bien en español. Ou me puedo expresar muy bien en español. Exprimir ne s'utilise jamais pour dire exprimer dans le sens que l'on vient de voir. Exprimir signifie presser. Exprimer, mais dans le sens d'extraire, hein, comme dans presser une orange. Exprimer une idée, un concept, etc., se dit toujours expresar. Alegrarse est un autre verbe que vous entendrez souvent. Il signifie se réjouir, être content. Pensez à allégresse en français. Comment appelleriez-vous alegrarse? Alegrarse s'appelle A. L-E-G-R-A-R-S-E. Et comment diriez-vous à une personne que vous vous voyez « Je suis content de vous voir » ? Tout à fait. Me alegro de verle. J'espère que vous êtes content, que usted se alegre, d'apprendre maintenant que nous allons voir une autre utilisation de « se ». « Se » s'emploie aussi pour dire « on », comme dans « on mange bien ici ». Ce n'est pas exactement le même « on » que dans la phrase que l'on a vue tout à l'heure « on s'est levé et on est parti » qui s'était traduite par « nos levantamos y salimos ». Dans cette phrase, « on » voulait dire « nous ». Toutefois, dans « on mange bien ici », on veut dire que les gens, hein, en général, mangent bien ici, pas seulement nous. Ce « on-là » se rend par « c'est plus le verbe. Comment diriez-vous alors « on mange bien ici » ? Se come bien aquí. Se come bien aquí. Vous avez probablement déjà vu des petites pancartes indiquant « se habla francés », on parle français. Le « c'est » se place avant le verbe, comme dans les structures que nous venons de voir. Enfin, comment direz-vous en utilisant le mot « méthodo » que l'on a déjà vu, on apprend beaucoup avec cette méthode. Se aprende mucho con este método. Se aprende mucho con este método. D'ailleurs, pour apprendre encore plus de choses, voyons davantage de verbes se terminant par « er » et « ir ».